Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire, prêt pour un bon 2 heures de rock progressif. On y va avec une nouveauté. En fait, c'est un troisième extrait du 6e album studio de Airbag, la formation norvégienne. L'album a pour titre The Century of the Self et il sera lancé le 14 juin prochain. Ce soir, on écoute la pièce Tyrants and Kings. Et puis Marc, par la suite, on a une autre nouveauté, cette fois-ci d'un groupe qu'on apprécie beaucoup, un groupe américain. Oui, en effet, il s'agit de la formation Is, qui a été fondée en 1996 et qui viennent tout juste de terminer la réalisation de leur 10e album qui paraîtra le 11 juin prochain. Il a pour titre Collapse the Wave et on aura pour vous en primeur ce soir deux pièces, Collapse the Wave et We Are the Third. Ils seront en spectacle au festival Night of the Prague en Allemagne et également à Amsterdam au mois de juillet. On peut déjà précommander leur album à partir de leur page Bandcamp. Ce sera suivi de la formation des Pays-Bas Focus et on aura pour vous un second extrait de leur nouvel album qui a pour titre Focus 12 et ce sera la pièce Focus 13. Mais d'abord, comme vous le disait Michel, on débute le bloc musical avec la nouveauté de Airbag. Set me free. rotation, a real life simulation, the struggle and the toil. Spinning on the surface, always looking down, tunneling to suffering. Of our own making, the joy is for the taking. Just give me a reason, just give me a chance. To collapse away, collapse in the sensation. The self consumed, no consummation. Disinformation flooding in. Relative, the sound begins. Swipe, describe, left and right. Back to the garden and take your bite. Selfless surrender, selfless surrender is the only answer. The eternal in the first place. The contradictions are in the place. In the middle, don't you see? Oh, Pour amorcer le second bloc musical de l'émission, on a une nouveauté en provenance de Norvège. Il s'agit du groupe Laughing Stock qui doit lancer le 31 mai prochain un tout nouvel album studio qui a pour titre Shelter. Ce sera le 6e essai studio de cette formation norvégienne et c'est la pièce de Flood qu'on a retenue. Avec comme invité spécial Tim Bonus, chanteur de No Man notamment. Et puis, parmi les invités, on remarque aussi la présence du guitariste, l'excellent guitariste norvégien Anders Buas. Et puis, d'Allemagne, on aura un extrait du plus récent album de Sen Project. C'est le projet du multi-instrumentiste Chris Engels. L'album a pour titre Arcane Sonic. C'est son 10e album studio. Et pour faire suite, Marc, on aura un extrait d'un album provenance d'Italie. Oui, en effet, c'est la formation Merging Cluster, fondée à Florence en 2010. On fait paraître un premier album éponyme en 2014 et leur second album Peak of Ephemeral Light paru cette année, donc 10 ans plus tard. Et on aura pour vous ce soir la pièce Planning de Renaissance. Et ce sera suivi d'une formation de la Pologne qui a pour nom Amarok. Et c'est un extrait de leur nouvel album Hope, qui est leur 7e album en carrière. Fondé à Varsovie en 1999, ont fait paraître 3 albums dans la première partie des années 2000, ont été en pause pendant quelques années et ont repris du service en 2017 avec l'album Hunt, ont fait paraître The Storm en 2019, Hero en 2021. Et puis Hope, donc leur plus récent et probablement leur meilleur en carrière. On aura donc pour vous ce soir la pièce Trail, mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec la formation Laughing Stock. We'll be right back. inside of me, there is a place where memories remain. They stay the same. A secret world defining me. A hidden key. Thank you. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura l'excellente formation italienne Ranestrane qu'on a eu la chance de voir au Festival Terra Incognita. Ils ont terminé cette édition du festival en beauté avec une prestation absolument incroyable. Des musiciens aguerris qui ont une très bonne chimie sur scène. Ils nous ont offert un spectacle d'une durée d'au moins 2 heures. Et c'était absolument excellent, époustouflant, du début à la fin. Encore une fois, merci Michel pour cette super édition du Festival Terra Incognita. On a eu la chance de voir en spectacle Vector K, qui ont interprété intégralement leur plus récent album. On a eu 2 spectacles de RPVL. On a eu également un excellent spectacle de la formation italienne Livestream, qui en a séduit plus d'un. En plus des prestations de Sunset Mission, une jeune formation de Boston, et de In Silva de Montréal, et également de 35 Tapes. Alors, étant donné qu'on est encore sur un nuage de ce festival, on ira avec une pièce du plus récent album de Ranestrane, Apocalypse Now, avec la pièce Napalm. Et pour débuter le bloc musical, Michel, la formation RPVL. Oui, en effet, on est encore sur un nuage. Quelle fin de semaine incroyable. Je pense qu'on va se rappeler longtemps de cette 17e édition. Et pour se faire plaisir, ben on va voir un extrait du plus récent album de RPWL ou RPVL, l'album Crime Scene. Et c'était d'ailleurs dans le cadre de cette tournée qu'on a eu l'occasion de les voir dans le cadre du festival. On écoute la pièce Victim of Desire. Got you. Down. Occhio cappello tesa larga di un balsamato della giungla, lui che la nebbia gialla accompagna. Scaglia le carte della morte cercando il suo fante di picche, lui dispensa bene il posticcio nel regno di sogno. Io come il ragno tengo il segno al centro e non ho mai ritegno che con il sogno stringo dentro al pugno. Camicia e fazzoletto giallo, gamberi curve di sciacallo, lui guerriero sbagliato del giusto. Per ogni effetto c'è un rigetto, per ogni madre conta un morto, lui e la morte gialla diffonde. Ne sono un dio di legno, moderno Caronte, chiedo un occhio e impegno. sono in volo, paradiso apocalittico. Sento il suono delle eliche, controtempo del mio cuore, asincrono. C'è motore a battere e non c'è dolore a uccidere. Emissario dell'altrui pietà, falso apostolo di libertà, falsa luce del progresso. Cerco quiete nell'immensità, la tempesta. Shall we dance? Thank you. libro rosso sopra una poesia. Seme di granata, arsenico, contro l'amore del sogno di Dio. The hidden cries, the tears of God. Oh, the hidden cries, deep in the darkness of the salta un'onda, per ogni sparo non sussulta lui, se ne fotte di ogni contesto. Pelle di bronzo sulla sabbia, come le spiagge in California lui, generale sbagliato del giusto. E sono un dio di legno, moderno Caronte, chiedo un occhio impegno. E con acqua pesante non do ristoro al Cristo agonizzante. Cos' Charlie sangue, invoca il cielo i suoi rinforzi, un assassino conto terzi, lui inala il fumo dell'odio. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation Porcupine Tree, tirée de leur plus récent album Closure Continuation, paru en 2022, avec la pièce Rats Return. On aura également Riverside de la Pologne, avec un extrait de leur plus récent album ID Entity, paru en 2023, et la pièce Landmine Blast, Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une excellente formation de Montréal qu'on a eu la chance de voir en fin de semaine dernière au festival Terra Incognita. Oui, il s'agit de In Silva, le projet du batteur Will Regnier et du guitariste Thomas Polichuk. Le groupe a lancé dernièrement son tout premier essai intitulé She, et d'ailleurs il l'a présenté intégralement sur la scène de la Chapelle Spectacle samedi dernier. On écoute ce soir la pièce Island. Time is coming out. Escape. Pour conclure l'émission ce soir, on a choisi une formation brésilienne qui a pour nom Quaterna Requiem. On va voir un extrait du dernier album studio, en fait, qui a été lancé en 2012, donc ça fait quand même une mèche. Et l'album a pour titre O Arquitecto. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous semaine après semaine. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Thank you.